nous saluons chacun de vous, nom de Jésus-Christ. Tunalamutia kila umoja wenu mungina ya Yesu Kristo. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tukuna lamutia banduku na wadada bali vekune tufata kunjia mtandao. Aujourd'hui, vous allez un peu me supporter. Léo, mutanivumilia kidogo. Puis je serai un peu plus très long. Sa zingine mitakawia. Wakuma le Saint-Esprit va conduire. Tutaona namna kaniro mtakatifu ataongoza vitu. Nous allons fournir un effort. Tutafanya nguvu. Pour dire l'essentiel. Juu ya kusema ya mafa. Avant cela, nous invitons à vous présenter Monsieur le marié. Mbele ya ile tutamionesha bachumba. Nous invitons le frère Christian Lukanda et la sœur Hermine. Tunaalika nduku Christian Lukanda na dawi Hermine. Il passe. Ba pate kupita kumbele. Frère Christian Lukanda et la sœur Wilhelmine. Nduku Christian Lukanda na da Wilhelmine. Vous connaissez tous bien. Bale muna famia mzuri. Si cela est la volonté du Seigneur. Kama ni mapenzi ya Mungu. Samedi le 16 mars. Samedi le 16 mars. C'est le mariage civil. Ni ndoa ya kuserikali. Et le 17 mars. Na le 17 mwezi wa tatu. Dimanche prochain. Ile juma inakuya. Ça sera le mariage religieux. Itakuya kunga kwa ndoa kukanisa. Donc dimanche nous allons célébrer leur mariage. Ni kusema mujuma ile inakuya tutashangilia ndoa yabo. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Vous pouvez retourner à vos places. Mnezi kurudia pa mafasi yenu. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tu la mouke njua kusoma neno ya Mungu. La chorale peut nous entonner. Que mouke njua iba kwetu. Kama kwaya nezi kututumi yako. Que mouke njua iba kwetu. Iba kwetu, nyanda umbawi wanayo, Yesu emu kongela pano, emu kande bukondame. Hallelujah. Make God. Alpha na Omega. Toi le commencement de toutes choses et la fin. Oui, mwanzo ya vitu vyote na mwisho. C'est toi qui as promis le salut. Wenjori aidi okovu. C'est toi qui l'as annoncé dans tout l'Ancien Testament. Wenjori tangaza mwagano zote za kale. Au bois du calvaire, tu l'as accompli en Jésus-Christ. Kumusalaba ulitimiza ndani ya Yesu Kristo. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour que ce salut soit effectif en nous. Ce matin, dans toute humilité, nous nous approchons devant toi comme des lépreux. Il n'y a rien de bon en nous. Nous étions des hommes et des femmes condamnés. Il n'y avait pas moyen d'éviter la fosse. Mais toi, tu nous as aimés. Tu as abandonné ton trône. Tu as abandonné ta gloire. Tu t'es dépouillé de ta puissance. Tu es devenu un simple homme comme nous. Tu es devenu notre sacrifice afin de payer le prix du rachat. Tu as versé ton sang, Seigneur, après avoir souffert pour nos iniquités. Seigneur, te disons merci. Ce n'est pas pour les anges que tu es venu. C'est pour les enfants d'Adam. C'est pour les enfants d'Abraham. Seigneur, viens maintenant. Sasa, Bwana, kuya. Toi qui connais l'état de chaque âme, Seigneur Jésus, attire vers toi tous les élus que tu as vus depuis l'éternité, Seigneur. Console-nous. Enseigne-nous la voie de la lumière, la voie de la vie. Délivre-nous, Seigneur, de tous les mauvais esprits qui peuvent nous empêcher à marcher dans tes voies. Seigneur, pardonne chacun de nous parce que nous sommes des pécheurs. Ne nous regarde pas dans ta justice, mais que ta miséricorde, ta bonté, ta pitié, ta compassion nous fasse grâce, Seigneur. C'est toi le secours d'en haut. Viens secourir nos âmes. Merci, Père. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. À celui qui est malade, il est dit dans les Saintes Écritures, tu es l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Il y a des frères et des sœurs qui jeûnent, qui prient, qui cherchent le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-les le Saint-Esprit pour la gloire de ton nom. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Seigneur, tu es la solution à chaque problème. Bénis la parole que nous allons lire. Conduis-nous, Seigneur, du début à la fin. Mets sur notre langue des paroles de grâce. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous dans la simplicité. Sois avec nous pendant ce service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amina. Exode au chapitre 13. Kutoka surati ya 13. Exode 13. Kutoka surati ya 13. Nous prenons le verset 17. Tukunabeba mustari yake ya 17. Jusqu'au verset 22. Mpaka 22. Exode 13. Kutoka sura yake ya 13. Verset 17 à 22. Mumustare aki ya 17 kufika paka mu 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, wakati Pharaon akacha taifa kwenda, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins. Mungu ashikubaongoze kupitia njia ile ripitia kwa Filistini. Quoique le plus proche. Ijapokuwa ile njia ilikuwa ya karibu. Car Dieu dit, kwani Mungu akasema, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Bantu banezi kujijuta mukona vita. Et retourner en Égypte. Na kurudia mu Misri. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert. Lakini Mungu akapitisha taifa munjia ya jangwa. Vers la mer rouge, Mungu kwenda kubahari mwekundu. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Batoto ya Israeli bakapanda bakatoka mwinchi ya Misri. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous serez remontés avec mes os loin d'ici. Musa akabeba mifupa ya Joseph, kwa sawa Joseph alibapisa na kusema, Mungu atamitembeleaka na mutachukuaka mifupa yangu toka na yoba. Il partit de Sukkot. Bakatoka kusukot. Et ils campèrent à El Etam, na bakaenda kupika kampi ku Etam, à l'extrémité du désert. Pembeni ya jangwa. L'Éternel allait devant eux, wa milele aranza kwenda mbele yabo, le jour dans une colonne de nuée, kati mumuchana muwingu, pour les guider dans leur chemin, ya kubaongoza munjia yabo, et la nuit dans une colonne de feu, na busiku munguzo ya moto, pour les éclairer, ya kubangazia, afin qu'ils marchent jour et nuit, kusudi batembeye mchana na usiku. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, nguzo ya wingu haikwanze kupotea wakati mchana ilikuwa yako, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ao nguzo ya moto usiku. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. La marche du peuple d'Israël. Safari ya wana wa Israeli. Après un long séjour sur une terre étrangère, kisha bo kubakia muda murefu mwinchi ya kigeni, après avoir été longtemps opprimé par les Égyptiens, kisha bo kubateswa kuba Misri, pour accomplir une parole que l'Éternel avait dite à Abraham, Dieu kutimiza neno ile wa milele alimwambiaka Ibrahimu, disant que ta descendance, ngusema uzao yako, ira dans un pays qui n'est pas le leur, itendaka muinchi ya kigeni, ils seront opprimés, batatesekaka, ils seront persécutés, batabateswa mule batabasonga. Mais après 400 ans, lakini kisha miaka 400, je descendrai, mientashuka, je les délivrerai, mitabakomboa, et ils sortiront de ce pays, na batotoka mwile inchi, sous de grands jugements, chini ya mahukumu mkubwa, avec de grandes richesses, na mali mkubwa mingi, et ils remonteront, na batatoka, dans le pays que je leur ai promis, bende mwinchi ile miribalaka. Israël est resté longtemps dans ce pays. Israël a ribaki ya muda murefu mwile inchi. Dieu envoyant ses souffrances, Mungu mukona mateso yake, eut compassion des enfants d'Abraham. Akashikiria huruma bana ya Ibrahimu. Il envoya Moïse pour les libérer. Akatuma Musa njo akubakomboa. C'est ainsi qu'Abraham, Puisque c'est ainsi que les enfants d'Abraham, Israël fut sorti de l'Égypte. Israël a katoka mu Misri. Après plusieurs années. Kisha miaka mingi. J'aimerais que chacun de vous suive attentivement. Mina penda kila mmoja wenu apate kufuata na utaratibu. Nous allons essayer de résumer ce qu'on a déjà dit. Tutapima kusema mkifupi vile tunesha kusema. Parce que la semaine prochaine nous commençons un autre chapitre. Kwani juma ile itaanza tutaanza kusemea bintu bingine. Avant la sortie du peuple Élie, mbele ya kutoka kwa taifa yenye kuteuliwa, Dieu est descendu. Mungu alishuka. Et c'est en Égypte. Na ni mu Misri. Là. Eti kule kumwisho mko nafuata. Est-ce que vous écoutez? Eti kule kumwisho mko nafuata. C'est de l'intérieur, est-ce que vous écoutez? Umundani mko nafuata. OK. Au balcon? Kule yulu ku balcon. Vous ne serez pas au balcon, ça devient compliqué. Ku balcon kule bantu abashikie. Je peux parler? Et minais kuendelesha kuhubiri? Surtout les gens qui sont au balcon et derrière là. Zaidi ya bantu bale ku mkongo na ku balcon kule. Si vous me suivez, faites signe. Kama mko nanifuata muoneshe mkono yulu. Est-ce qu'au balcon ça va maintenant? Hapa mnaanza kufuata sasa? On peut évoluer. Tunaweza kuendelea. Avant qu'Israël ne quitte l'Égypte. Mbele ya Israël kutoka mu Misri. Dieu est venu devant eux avec une ordonnance. Mungu alikuja mbele yao na agizo. Il devait célébrer la Pâque de l'Éternel. Baripasha kushangilia Pasaka ya wa milele. Cette fête qui était attachée à la libération. Ile karamu iliambatana na kukombolewa kwao. Et cette célébration de la fête, na ile kushangilia kwa karamu, dont les enfants d'Israël devaient se souvenir, ile batoto ya Israeli baripasha kukumbuka, aussi longtemps qu'ils seraient sur cette terre, wakati yote barikuwa pa ile mwile inchi, se rappeler comment le Dieu Tout-Puissant, kumbuka namna kani Mungu wa uwezo yote, opéra de grands signes et de grands miracles, alifanya maishara na miujiza, pour les libérer entre les mains d'un homme qui était plus fort qu'eux. Jacques Batosha mikono ya mtu alikuwa na uwezo kubashindia. Un souvenir de leur délivrance. Kukumbuka ukombozi yao. C'est vrai frère. Ndia kweli nduku. C'est en Égypte. Ni mu Misri que le sang de l'agneau fut appliqué mule damu ya mwana nkondo baritumia sur le linteau de chaque maison d'un enfant d'Israël yule ya malento ya kila nyumba ya mtoto wa Israeli pour leur protection juu ya ukingo wao contre la mort qui frappait tous les premiers-nés des enfants d'Israël juu ya kuepuka ile lupi ranzo pika bazariwa bote ba kwanza ba mu Misri a commencer par le premier né de Pharaon kwanza pa kwa mzaliwa wa kwanza wa Pharaon jusqu'au premier né de chaque bête kufika paka ku bazaliwa ba kwanza ba banyama le sang leur servit de protection contre la mort damu ilibakinga kulufu et ce sang là na ile damu. Et cette œuvre qui a été accomplie dans l'Égypte, avant la libération, est le type du sang de Christ, versé au bois du calvaire, pour nous les pécheurs, alors que nous étions encore dans la servitude. Pendant que nous étions encore dans la servitude, Christ est mort pour nous. Christo aritukufia. Dans Romains au chapitre 5. Kwa Roma sura yake ya 5. Dans son verset 6. Mumustari yake ya 6. Kwani lorsque nous étions encore sans force. Wakati tulikuwa pasipo nguvu. Christ au temps marqué. Kristo wakati yenye kuwekwa. Est mort pour les impies. Alikufia baovu. Verset 8. Mustari ya 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lakini Mungu anaonesha mapendo yake kwetu. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Nasema wakati tulikuwa batenda dhambi. Christ est mort pour nous. Kristo alitukufia. Et vous qui notez dans vos carnets. Na mwewe nye kuandika makaratasi yenu. Notez Exode au chapitre 12. Mwandike kutoka 12. Vous verrez les instructions. Mutaona maagizo. Que Dieu donna à Israël. Ile Mungu alipatia Israeli. Et la puissance de la délivrance qu'ils avaient expérimenté. Na uwezo ya ukombozi barionja. Mtasoma. Mtasoma kunyumba. Exode chapitre 12. Kutoka 12. Là vous trouvez Dieu instruit Israël. L'agneau pascal. Mtaona Mungu na fundisha watoto wa Israeli yule ya mwana kondoo wa Pasaka. Dieu immole l'agneau pascal. Mungu anachinja mwana kondoo wa Pasaka. Vous verrez qu'il est parlé de la mort des premiers-nés égyptiens. Et la Bible parle de la sortie d'Israël de l'Égypte. Et quand Dieu frappa le premier-né, comme vous le savez tous, Pharaon était obligé de les libérer. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Barifika kubari mwekundu. Arrivés à la mer Rouge. Kufika kubari mwekundu. Le peuple fut sauvé. Taifa ikaokolewa. Et tous les Égyptiens. Na ba ministri bote. Furent engloutis. Bakaingizwa. Dans la mer. Mubari. C'est vrai frère. Bya kweri nduku. C'est vrai ma soeur. Bya kweri dada yangu. Quand Israël s'est mis en marche, wakati Israël alianza safari, les Égyptiens qui les poursuivaient, batu ya Misri bali baranza kumufuata, n'ont pas apprécié leur sortie. Abakufurahikia kutoka kwa Israeli. Ils comprenaient qu'ils avaient fait une grosse erreur. Barielewa kusema barifua nkosa mkubwa. Ils voulaient les rattraper. Baripenda kwenda kumubamba Israeli. Avec un objectif de les retourner encore dans l'esclavagisme. Juu babarudishe tena mumisri. Mais la décision de Dieu. Lakini mpango ya Mungu. Était autre que la décision de Pharaon. Ilikuwa ya kuachana na mpango ya Pharaon. Et la miséricorde de Dieu. Na rehema ya Mungu. La bonté de Dieu pour Israël. Na wema ya Mungu juu ya Israeli. Ouvrit largement la mer Rouge. Ikafungua bahari mwekundu. Les enfants d'Israël passèrent. Watoto wa Israeli bakapita. Ma fasi ya kukauka. Ils ont expérimenté la délivrance. Barionja ukombozi. Et les Égyptiens qui les poursuivaient. Furent engloutis dans la mer. Baka kufa mumai. Ça vous pouvez le lire dans Exode chapitre 13. Vous verrez. Mutaona. Que Dieu les a conduits. Mungu alibaongoza. Dans, a conduit son peuple par une voie détournée comme nous l'avons lu ici. Anaongoza taifa yake munjia ya mbari kuliko kuongoza mu ya karibu. Avant la sortie, Israël prit les os de Joseph. Mbele ya kutoka kwa Israeli, Israeli alibeba mifupa ya Joseph. Et Dieu plaça la colonne de feu devant eux. Na Mungu akabawekea nguzo ya moto mbele yao. Il les conduisait jour et nuit. Ile ranze bongoza usiku na mchana. Comme nous l'avons lu ici. Paka hivi tunatokea kusoma. Vous pouvez lire cela. Nesu isoma. Dans Exode 14. Kutoka 14. Dans son verset 13. Mustari yake ya 13. Dans son verset 30 à 31. Mustari yake ya 33. Après la traversée de la mer Rouge. Kisha kutambu kabari mwekundu. Israël délivré. Et Israël mwenye kombolewa. Expérimenta la joie du salut. Akaonja furaha ya wokovu. Avant de traverser le désert. Mbele ya kutambuka jangwa. Un temps de preuve et de test pour leur foi. Wakati ya kipimo na kujaribiwa. C'est ce que vous lirez. Njoele mtasoma. Dans Exode 15. Kutoka 15. Ils ont expérimenté la joie du salut. Barionja fraya ukovu. Quiconque est délivré de l'Éternel, yeyote ni mwenye kombolana wa milele, il a la joie du salut dans son cœur. Eko na furaya ukovu ndani ya moyo wake. Comme nous l'avons montré les jours passés. Kabla tulionyesha masiku ilipita. Ils ont dansé. Baricheza. Ils ont crié. Barilalamika. Ils ont parlé en langue. Barisema muluga. Ils ont prophétisé. Baritabiri. Tout en oubliant. Mukusabwa. Que le chemin était encore long. Ya kusema njia ilikuwa safari kwa mrefu. Il y avait encore des faux au milieu d'eux. Katikati yabo kulikuwa bantu babongo. Il y avait des ramassis. Kulikuwa bakafuatirisha. Il fallait que disparaissent du milieu des enfants d'Israël. Il fallait que les incrédules disparaissent au milieu des enfants d'Israël pour que les véritables puissants, les véritables croyants entrent dans le pays de la promesse. Ils ont dansé, ils ont oublié. Baricheza, bakasavwa. Que les tests les attendaient. Yakusema kipimo ilikuwa inebachunga. Les épreuves les attendaient. Ma vipimo ilikuwa inebachunga. Mais après avoir dansé. Lakini kisha kucheza. En esprit. Katika roho. Après avoir prophétisé. Kisha kutabiri. Après avoir glorifié le Seigneur. Kisha kutukuza Bwana. Ce qu'il avait vu. Juu ya ile bariona. Dieu à Mara. Mungu kule kumara. Arrivé à Mara, non loin. Kufika kumara. Hapana mbari ya bari mwekundu. Kisha tu kupita bari mwekundu. Arrivé à Mara. Kufika kumara. La loi leur fut donnée. Sheria ikabapewa. Pour conduire le peuple. Jua kuongoza taifa. Vers le pays de la promesse. Mwinchi ya malako. C'est vrai frère. C'est vrai sœur. Vous les lirez dans Exode au chapitre 15. Prenez toujours votre papier, votre Bible, je ne vais pas lire toutes ces choses. Exode 15, verset 22. Dieu leur donna la loi. Voyez bien mes frères. Quand vous lisez le verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans le feu. Et l'eau devint douce. Ce fut là, Amara. Que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ma et ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Il dit, si vous écoutez attentivement la loi, la voix de l'Éternel, ton Dieu, naangarisho yote sauti ya wamilele Mungu wako. Si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux. Kama unafanya yote yenye kunyoloka mbele yake. Si tu prêtes oreille à ses commandements. Kama unateka sikio kumaki. Si tu observes toutes ces lois. Na unachunga sheria yake. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Sita kupika na magonjwa hata moyo ile nilipika nayo bantu wa Misri. Ah, je suis l'Éternel. Aliniko wa milele. Qui t'a guéri? Uleko na kuponya. Dieu ne les a pas abandonnés. Mungu ashikubache. Dieu leur a donné la loi. Mungu alibapatia sheria. Pour les encadrer. Juu ya kubaongoza. Dieu leur a révélé sa volonté. Mungu alibafunulia mapenzi yake. Pour les conduire. Juu ya kubaongoza. Dans le désert. Mujangwa. Pendant cette période de dure épreuve. Mwile wakati ya magumu. Cinquièmement. Kintu kya tano. Arrivez maintenant dans le désert. Kufika sasa mujangwa. C'est dans le désert. Mujangwa. Qu'Israël devait passer sa période ou son temps de sanctification. Alipasha kupitisha wakati yake ya utakaso. C'est vrai frère. Ni vya kweli nduku. Dieu devait les sanctifier. Mungu alipasha watakasa. Au moyen des épreuves. Kupitia mabipimo. Au moyen des tests. Kupitia mabipimo na mashindano. Dieu devait les dépouiller. De toutes les pensées qu'ils avaient acquises en Égypte. Il est nayo mu Misri. Oui bien mes frères. Dio nduku mpendwa. Oui bien mes sœurs. Dio dada mpendwa. La période de la sanctification. Wakati ya utakaso. dira 40 années. Ikafanya miaka makumi ine. Ça prit beaucoup de temps. Ilibeba wakati mingi. Parce que Dieu Mungu voulait complètement alipenda kabisa kabisa laver, kuosha, sanctifier kutakasa son peuple taifa yake avant d'entrer dans le pays de la promesse. Mbele ya kuingia mwinchi ya malako. Et c'est pendant cette période. Na ni mwile wakati ile. Que beaucoup d'enfants d'Israël mingi ya Israeli, qui n'avaient pas fait confiance à Dieu Mungu, ainsi que tous les ramassis na baka fatirisha vote, baka kufwa, après avoir mangé et bu kisha kula na kunwa, les choses spirituelles bintu ya kiro, ils avaient mangé la manne céleste, bari kuna, kuriaka mani ils avaient bu l'eau du rocher, baka kunwa mai ya mwamba, la manne céleste mana ya ils avaient manger et l'eau du rocher qu'ils avaient bu n'a pas pu les aider à cause de leur incrédulité. Oui, bien aimés frères, ils ont goûté aux choses surnaturelles, aux choses spirituelles, mais l'état mauvais de leur cœur ne les a jamais permis d'être sanctifiés. C'est vrai frère, vous les lirez dans Exode au chapitre 7. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Arrivé à la frontière. Kufika sasa kumipaka. À Kadesh Barnea. Pakadesh Barnea. C'est là où Israël. Njo pale Israeli. Commis sa dernière grave erreur. Akafanya nkosa yake ya mwisho ya nguvu. Par leur incrédulité. Kupitia kutokuamini kwao. Et c'est à partir de là. Ni kutokea pale. Ils sont tous morts. Bote barikufwa. Dieu qui avait la preuve de Canaan. Ata vile barikuya ko na na bitu vile bitokea mkana. Ils avaient la preuve de Canaan. Barikuya ko na hakikisho ya bitu ya mkana. Ils avaient reçu des dons de Canaan. Ils avaient touché les dons de Canaan. Ils étaient sûrs que le Canaan n'était pas un pays imaginaire. C'était un véritable pays que le Dieu de leur père leur avait promis. Un pays bon. Inchi mzuri. Un pays où coule le miel. Inchi mule mungu natoka maziwa na asali. Mais leur incrédulité. Lakini kutokuamini kwao. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Mbele ya neno ya Mungu. Leur incrédulité dans le voyage. Kutokuamini kwao msafari. Leur empêchait. Ikabazuiza. D'entrer dans le pays de la promesse. Kuingia mwinchi ya malako. Et ils moururent tous. Na bote bakakufwa. C'est là Israël a commis une grosse erreur. Njo pale Israël alifanyaka nkosa mkubwa sana. Vous qui écrivez. Mwebe nye kuandika. Nombre 11. Esabu kumina moja. Nombre 12. Kumina mbili. Nombre 13. Kumina tatu. Nombre 16. Kumina sita. Vous allez voir. Mutaona. Kuma ces gens se sont comportés. Namna kaniaba antu barijongoza. A partir d'Exode 11. Kuanzia kutoka kumina moja. Allez jusqu'à 32. Mwende paka makumi mbili na tatu. Allez lire cela à la maison. Mwende mukaisome kunyumba. Cela va vous permettre de voir. Ile itemionesha. Kuma ce peuple se comporte. Namna kani ile taifa ilijongoza. Je pas Hebre 13. Minabeba wa Ibrania kumina tatu. Ils ont mangé la manne du ciel. Barikula mana ya kutoka mbinguni. Ils ont bu l'eau du rocher. Bakakunwa maji ya kutoka kumwamba. Ils ont vu des miracles. Bakaona miujiza. Mais leur cœur était mauvais. Lakini mioyo yabo ilikuwa mubaya. Et ils ont commis une grosse erreur. Na bakafanya nkosa mkubwa kabisa. Ils étaient toujours incrédules. Barikuwa pa bakutokuamini. Bien qu'ils écoutaient la loi de Dieu. Ata vile baranza kushikia sheria ya Mungu. Mais ils n'ont pas pu. Lakini abakuwezi. Marcher dans les voies du Seigneur. Kutembea manjia ya Bwana. Dans Hébreu au chapitre 3. Mwa Ibrania sura ya. Dans son verset 7. Suivez très bien. C'est pourquoi. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Nabariona matendo yangu makazi yangu miaka makumi ine. J'ai fui irrité contre cette génération et j'ai dit. Na nikashirikia ile kizazi nikasema. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Beko na moyo. Vivez très bien ce que l'Esprit de Dieu dit. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Beko kila mara na moyo yenye kupotea. Les gens sur qui Dieu parle, ce sont les enfants d'Israël. Les gens qui ont vu les miracles, les 10 miracles en Égypte, les gens qui ont traversé la mer Rouge, à Pied-Sec, les gens qui ont été conduits par Dieu lui-même, qui étaient présents, permanents au milieu d'eux, pendant la journée comme pendant la nuit. Ces gens qui ont mangé la manne du ciel. Ces hommes qui ont bu l'eau du rocher. La Bible dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je j'irai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère. Maintenant nous. Prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps que nous avons un souffle de vie en nous. Voyez, nous avons le droit à l'exhortation. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous écoutez, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Mushifanye moyo wenu mgumu sawa wakati ya utombozi. Le verset 16. Musala ya 10 na qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Ni banani kumbi bale baritomboka kisha ushikia sauti yake. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, notez cela. Kama ina tu bale batokaka mu Misri chini ya uongozi ya Musa. Mpate kuishi. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 années? Na Mungu alishiri banani mu myaka makumi ine. Sinon contre ceux qui péchèrent. Kama ina bale baritenda nzambi. Et dont le cadavre tombèrent dans le désert. Na bale bitumba yabo birianguka mu jangwa. Et à qui jira-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Na ni banani bale arilapia se abatengia mu mapumziko yake. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Kama ina bale abakuti. Aussi nous voyons na, tukunaona, qui ne put y entrer aba kuweze kuingia, à cause de leur incrédulité. Kutokuamini kwavo. C'est vrai, frère. Ya kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweri dada. Ceux qui se sont révoltés. Bale baritomboka. Et pourtant, il était sous la conduite de Moïse. Il est sabar, kwaka chini ya ongozi ya Musa. Vous voyez, munaona, ceux qui se sont, qui péchèrent. Bale baritenda nzambi. Vous voyez, munaona. Et pourtant, Jabo, Dieu était au milieu de eux. Vous voyez, munaona, ils ont désobéi. Bien qu'ils avaient la loi de Dieu. Et Dieu leur dit, na ils n'entreraient pas abate ingia dans le pays de la promesse. Mwinchi ya malako. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto, wa kwanza sura ya 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura ya 10. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nafuata. Verset 1. Mustari ya kwanza. À 5. Paka frère, nduku, je ne veux pas que vous ignorez. Mishi pende mubakie pashipo kujua. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Sema baba yetu bote barikuwa chini ya wingu. Ils ont tous passé par Ils ont tous passé au travers de la mer. Bote baripitia mubahari. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée. Bote baribatizwa ndani ya Musa mwingu na mubahari. Qu'ils ont tous mangé. Bote barikula. Le même aliment spirituel. Chakula moya moya kiro. Et qu'ils ont tous bu. Na bote barikula. Le même breuvage spirituel. Kinywaji ya kiro. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ani baranza kunwa kumwamba kiro. Le rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Quelle belle leçon que nous recevons ici. Ils périrent tous parce ils n'étaient pas agréables à Dieu. Leur révolte, leur incrédulité, leur révolte, leur désobéissance les a conduits tous à la mort. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ils n'étaient pas conduits par les hommes. Ils étaient conduits par Dieu lui-même. Ils n'étaient pas nourris par des hommes. Ils étaient nourris par Dieu lui-même. Voyez, être conduit par Dieu, être nourri par Dieu, ne peut jamais t'aider si tu as un mauvais cœur, si tu as un cœur incrédule. Et Jude dit ceci. Jude nous dit ceci. Yuda nasema hivi. Le livre avant l'Apocalypse. Ni kitabu kile kinatangulia kitabu cha Ufunuo. Jude verset 3 et 5. Mstari wa 3 na 5. L'écriture dit ceci. Biblia nasema hivi. Je veux vous rappeler. Ninapenda kumikumbusha. Donc je commence au verset 3. Bien aimé. Bapendwa. Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'éclise parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre maître, notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. C'est Dieu qui les sortit de l'Égypte. C'est Dieu qui les délivra entre les mains des Égyptiens. Dieu a pris soin d'eux en toutes choses. Ils n'ont manqué de rien. Tout était à leur disposition. Mais ce sont ces hommes, ce sont ces femmes qui avaient un cœur mauvais et qui ont manqué d'obéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, à la conduite de Dieu. Ils se sont révoltés contre lui. Ils ont méprisé la grâce. Bien qu'ils avaient vu de grandes choses. Et ils sont tous morts. Écoutez comment Jude dit. Il y a des hommes, des impies, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des hommes et des femmes, comme le Saint-Esprit nous l'a dit dans les jours passés, En parlant du jubilé comme je vais y parler bientôt. Peu importe comment le Saint-Esprit agit. Peu importe le présent de Dieu. Peu importe les instructions qu'il reçoit. Peu importe ce qu'ils peuvent faire. Ils ne seront jamais sauvés. C'est vrai. Ne peut pas être sauvé. Ah ben ouais, c'est comme ça que Dieu les a vus. Baonaka. Des intrus. Baovu. C'est vrai, frère. C'est ainsi que nous avons parlé de l'année du jubilé. Comme nous l'avons lu dans Deutéronome chapitre 15. À partir du verset 12. Vous pouvez aller jusqu'à la fin. Nous vous avons dit ceci. L'année du jubilé. Mwaka ya jubilé. Était une année dans laquelle. Ilikuwa mwaka ile. La loi de Dieu. Sheria ya Mungu. Libérait tout enfant d'Israël. Irianza kutosha mubutuma mtoto wote wa Israeli. Il s'était vendu. Ule arijujishaka. Lui-même. Yeye mwenyewe. Ou qui avait vendu son héritage. A ule arijujishaka urithi yake. Pendant la période de pauvreté. Wakati ya kukosewa kwake. Pendant la période de sa pauvreté. Wakati ya umasikini wake. C'est ce que nous avons, dit, non? Joele tulisema shinjo. C'est ce que nous avons vu. Shinjoele tulisema. N'est-ce pas ce que nous avons vu? Shinjoele tulisema. Pendant la pauvreté. Wakati ya un enfant d'Israël pouvait vendre son héritage ou pouvait se vendre lui-même. Mais l'année du jubilé, Dieu avait donné une loi qui libérait cet enfant d'Israël. Nous vous avons dit quand la trompette sonnait, l'esclave était totalement libre. Arkuya uhuru kabisa kabisa. Il n'avait rien à faire. Ashikwena cha kufanya tena. Rien à donner à son maître. Ashikwena cha kukabula kwa bwana wake. Car c'est Dieu lui-même qui l'a libéré. Kwani ni Mungu yeye mwenyewe anaanza kumkomboa. Par sa propre loi. Kupitia sheria yake. Il trouvait grâce devant le Seigneur. Anaanza kupata neema mbele ya bwana. La loi de Dieu. Sheria ya la Mungu. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Libéré. Ilianza kukomboa. L'esclave. Mutumwa. Mais c'est l'homme lui-même. Sasa ni mtu yeye mwenyewe. Ule mutumwa. Se faisait. Na uhuru yote. Esclave du diable. Aranza kujifanya anakuwa tena mutumwa wa shetani. Eje ubenishi. Mungu imibariki. Réveillez-vous. Mulamuke. Remarquez et notez cela. Mwangarie kina mushike ile muyanjike. Il y a deux choses fondamentales. Kuku bintu biwili bya mafa bya msingi. Dans les jubilés. Mu jubilé. Il y avait deux choses très importantes qui se passaient. Murkwa bintu biwili bya mafa sana biranzo fanika. L'église donc. Eti kanisa ikuna lala. Notez cela. Muyanjike. Le jour du jubilé. Siku ya jubilé. Des choses très très très importantes. C'est passé. La première, c'est la remise de la dette de l'esclave. Ni kuleta ni kuachiria ndeni ya mtumwa. Notez cela. Muyandike. Je commence à parler lentement. Nanzo sema polepole. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours du jubilé? Ni nini ile ranzo fika mwaka ya jubilé. Des choses fondamental, important, capital, bia mafasana, bile biranzo fanika. Premièrement, ya kwanza, c'est la remise de la dette. Ni kuachiria kwa deni de l'esclave. Ya mutumwa. Deuxièmement, ya pili, c'était l'affranchissement. Ilikuwa ni kukombolewa kwa mutumwa. C'était la liberté de l'esclave. Ni uhuru ya mutumwa. L'esclave mutumwa était libéré bari mukomboa après la remise kisha de sa dette kuachiria ndeni yake asi ashina tena na ndeni. C'est vrai. Ni bya kweli. Le jour shiku que l'homme écoutait Ile mtu aranza kusikia la trompette parapanda. C'était le devoir de l'esclave lui-même. Ilikuwa ni mapashwa ya mtumwa yeye mwenyewe. Qui pouvait ule aliweza soit accepter au kuichikia et reconnaître sa liberté. Na kutambua kusema anakuya uhuru. Ou encore au refuser kukatala et demeurer esclave. Na kuendelea kuya mtumwa de son maître. Ya bwana wake. Le jour du jubilé. Siku ya jubilé. Il y avait deux choses fondamentales et capitales. Kwa bintu viwili bya msingi na bya mafaa sana. Qui s'est réalisé? Bile bilianza kufanika. La loi de Dieu. Sheria ya Mungu. Libérer l'homme de l'esclave. Ilianza kutosha mtu mvutumwa. Et la loi de Dieu. Sheria ya Mungu. Abandonner sa dette. Ilianza kuachilia ndeni yake. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nafuata. L'homme ne paye rien. Mtu ashikwanze kulipa kitu. La femme ne paye rien. Mwanaume au mwanamke ashikwanze kulipa kitu. Il avait. Hata kama alikuya. Une dette de $10,000. Na ndeni ya $10,000. Le jour du jubilé. Siku ya jubilé. Sa dette était effacée. Ile ndeni yake ilianza kumalizika pasipo kulipa. Il était libre. Na alikuwa uhuru. C'est Dieu qui l'a libéré. Ni Mungu ndiye alianza kumkomboa. L'homme lui-même. Lakini mtu yeye mwenyewe. Avait aussi deux choses à faire. Na yeye alikuwa na vitu viwili vya kufanya. Mnaona? Il avait ce qui se faisait. Kulikuwa pale baranze jifanya. Du côté de Dieu. Bila bilianza kufanyika kungapo ya Mungu. Mnaona? C'est Dieu. Ni Mungu. Qui efface sa dette? Yeye ndiye alianza kujimisha ile ndeni. C'est Dieu qui libère l'esclave. Ni Mungu ndiye alianza kukomboa mtumwa. L'esclave lui-même. Lakini mtumwa yeye mwenyewe. Alipasha kufanya vitu viwili. Au. Accepter. Anichikia. Et reconnaître sa liberté. Na kutambua uhuru yake. C'est la première chose. Hiyo ya kwanza. Ou encore. Au. Refuser. Anakatala. Et demeurer esclave. Na anabakia mtumwa ya bwana wake. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nafuata. Tu étais entre les mains. Biote bilikuwa mikono. Ah, de l'esclave. Ya mutumwa. Dieu libéré. Mungu yaranza kukomboa. Dieu trompette la liberté. Mungu yaranza kutangaza uhuru. Ce ne sont pas les anges. Aina ba malaika. Qui allait. Bale baranza kwenda. En Israël. Mu Israeli. Pour prendre sur leurs ailes. Sur leurs dos. Juu ya kubeba mumukongo yabo hapa mabawa. Ah, tous les esclaves. Batumwa bote. Et allait les déposer. Kwenda kubaweka. Dans leur héritage. Mu maurithi yabo. Hapana. Naona wapendo wa batata. Les sacrificateurs. Aina ba kuani. Ce ne sont pas les lévites. Aina balawi. Ce ne sont pas les anciens d'Israël. Aina baze ya Israeli. Bale baranza kupita umanyumba. Cherchant les esclaves. Bebo natafuta batumwa. Et les mettre sur les épaules. Na kubabeba pa mabeka. Pour aller les remettre. Juu kwenda barudisha. Dans leur héritage. Mumaurithi yabo. Non bien aimé frère. Hapana nduku mpendwa. C'est lui qui a entendu. Ule aranza kushikia. Il s'est libéré lui-même. Yeye mwenyewe aranza kujikomboa. Oui bien aimé frère. Ya kweli nduku mpendwa na dada mpendwa. Troisième chose. Kintu kia tatu. Que j'aimerais que vous reteniez. Ile minapenda mushike. Pour la liberté. Njuu ya uhuru. Nous devons savoir. Tunapasha kujua. Que l'esclave. Ya kwamba mtumwa. Avait des choses capitales. Alikuwa na vitu viwili. Pour son salut. Bya mafaa njuu ya wokovu yake. L'esclave lui-même. Mtumwa yeye mwenyewe. Avait des choses. Alikuwa na vitu viwili njuu ya wokovu yake. Ni vitu gani? Il avait le vouloir. Alikuwa na kipenda roho yake. Voyez bien frère. Mnaona ndugu mpenzi. Il avait le vouloir. Alikuwa na kipenda roho yake. Cela signifie. Ile ni kusema. Lui-même en tant qu'esclave. Yeye mwenyewe saa mtumwa. Tout le temps qu'il est resté dans l'esclavagisme. Ile wakati yote alibakia mvutumwa. Il devait aimer lui-même. Yeye mwenyewe alipasha kupenda. Sa liberté. Uhuru yake. L'esclave lui-même. Mtumwa yeye mwenyewe. Devait aimer sa liberté. Alipasha kupenda uhuru yake. L'amour de la liberté. Ile mapenda ya uhuru. Jouait beaucoup. Ilianza kusaidia sana. Dans le jour de jubilé. Wakati mshiko ya jubilé. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Il avait le libre arbitre. Alikuwa na kipenda roho. le libre choix. Kia kuchakula. De sortir. Ya kuchakula kutoka. Au kuchakula kubakia. C'était pas le problème de Dieu. Ile haikukua tena mambo ya Mungu. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien mes sœurs. Ndio dada mpendwa. L'église avec moi. Eti kanisa ikunanifuata. C'est pour vous dire. Ni njoo kunionyesha. Même aujourd'hui. Hata leo. Wacha dhambi. Abandonner les péchés. C'est un problème de volonté. Ni mambo ya kutaka kwako. Abandonner le péché, c'est le problème de ton vouloir. Le sang de Dieu est déjà versé à la croix pour te donner l'occasion, pour t'ouvrir la route d'être délivré. Si tu veux, être délivré des mains du diable, tu seras délivré. Si tu ne veux pas, tu veux rester esclave de ton maître, le Satan. Tu vas continuer à être. Tu vas continuer à être esclave. Il n'y a pas de problème. Abandonner les péchés, c'est une question de volonté. C'est aimer. Il faut avoir le vouloir. Il n'a pas choisi na kutaka. Et il faut aimer cela. Na kupenda ile. Voyez bien mes frères. Muna ona ndugu mpendo. Si vous n'aimez pas la liberté. Kama upende uhuru. Parce que vous n'avez pas le vouloir. Tu auna na kutaka. Vous ne serez jamais libéré. Auta kombolewa kakamwe. C'est pourquoi nous vous avons dit. Mana tulimionesha. Celui qui refuse volontairement d'être libre. Ule aranza kukatala ye mwenye kuya uhuru. Son de la trompette. Kama anashikia parapanda. Son oreille était percée. Baranza kutobola rishikio yake. Ce monsieur là ou cette dame. Ule mwanome au le mwanome. La ligne de la démarcation. Aranza kutambuka mstari ya neema. La grâce et le jugement. Aranza kutambuka ile mstari natenga hukumu na neema. C'est vrai. Ni bya kweli. C'est lui qui refusait volontairement. Ule aranza kukatala muuru yake. D'être libre au son de la trompette de Dieu. Na kipenda roho yake kuya uhuru. Son oreille était percée. Kama parapanda ya Mungu inalia. Pour dire. Baranza kumtobola rishikio. Il n'a pas d'oreille. Jua kusema ashina na mashikio. Ashishiki yake. Il ne comprend pas. Voilà pourquoi on le perçait. Je parle baranza kumutobola ile. Il y a des gens abashikiyake qui ne comprennent jamais. Kuko bantu banaume. Il y a les hommes abashikiyake qui ne comprennent jamais. Atamu wanasema Dieu. Même si Dieu parlait comment et ne comprennent pas. Kuko banaume banamuke. Il y a des femmes abashikiyake qui ne comprennent jamais. Atamu wanasema Dieu. Même si Dieu parlait comment, elles ne comprennent jamais. Même si Dieu conseillait comment, elles ne comprennent pas. C'est pourquoi on les persécute. Joko amana baranzi batobola mashikio. Ils avaient dépassé. Baranzi barikuwa bashotambuka. La ligne qui sépare. Ile kistari natenga. La grâce et la loi. Nema na sheria. La grâce et le jugement. Nema na hukumu. Vous voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendo. Ndugu Branham anasema hivi. Notez cela. Muyandike. Dans l'année du jubilé. Mon mwaka ya jubilé. Au paragraphe 78. Paragraphe 78. Jusqu'au paragraphe 80. Fika paka 80. Écoutez comment Frère Branham dit. Maintenant mes amis. Sasa barafiki yangu. Le mal en est que. Bubaya ni. Si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop. Kama unahuzunisha koro mtakatifu mkupitisha mu. Unaisha kumuzunisha sana miaka na Chila miaka. Boku miaka na atriste miaka. Boku dane. Utakufikia siku moya. Un jour. Uneifuana ya mwish. Tu l'attristera pour la dernière fois. Alors vous avez dépassé. Et pale unatambuka. La ligne de démarcation. Mustari le na tenga. Vous en arrivez au point. Utafika mkipimo. Où il ne vous reste plus de repentance pour vous. Kwako hakutakuya tena kutubu. C'est-à-dire, awezi tena kutubu. C'est-à-dire, tu ne peux jamais te repentir. Et vous serez scellé. Et na utati. Dans le royaume des ténèbres. Na utatiwa muhuri mu pame ya giza. Vous ne verrez jamais le Seigneur Jésus. Mula utaona kamwe Bwana Yesu. L'église est là. Eti kanisa iko nafuata. Vous ne verrez jamais. Hautaonaka kamwe. L'espérance de la vie. Matumaini ya uzima. Et vous serez marqués définitivement pour toujours. Na wewe batakufunga batakupika chapa ya lote. Avertissement solennel. Ni ukalamsho kani takatifu. Oh! J'espère que le Saint-Esprit na wazia Roho Mtakatifu. J'espère natumainia. Natumainia Roho Mtakatifu. Que le Saint-Esprit ya kwamba Roho Mtakatifu force cela eko na ingiza dans votre cœur. Ile mumamioyo yenu. Vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation. Mwe benye kusimama mukistari ki ya kutenganisha. Uko ba frère. Il y a des frères. Na ba sœurs. Et des sœurs. Banesha kufuana bintu bibaya sana na zaidi. Ils ont commis de mauvaises choses dans leur vie. Na banesha kumchokesha Mungu. Et ils ont lassé Dieu. Hapa kuna bakiria. Là il ne reste que tendo tu moya. Une action. Bana dépasser la démarcation. Ils vont dépasser la ligne de démarcation. Satan te trompe que akuta kwa kintu. Il y aura quelque chose. Kuta kwa kintu kitafanika. Vous avez dit. Murisema. Vous qui avez souvent pensé. Mwe bale munekalaka muna waza kila mara. Je reprends frère Branham. Mina rudiria kwa nduku Branham. Vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation. Mwe benye kushimama mumustari ya kutenganisha. Vous qui avez souvent pensé. Mwe bale munekalamu muna waza kila mara. J'aimerais être un chrétien complètement consacré. Asemi napenda kuya mukristo mwenye kujitolea kabisa kabisa. Si je peux tout simplement me décider. Kama minezi tu kuchukua kwa mpango. Si le moment de le faire. Mwakati ya kuifanya. Oh mon frère, ma soeur. Oh nduku yangu na dada yangu. Vous rendez-vous compte. Eti huku na peut-être la dernière occasion que vous aurez jamais eu de le devenir. Il est une pasha kuya mukristu. Vous voyez, unaona, ça peut être Inez kuya, le dernier matin jo asubuya mwisho kwako, où vous aurez jamais eu l'occasion de devenir un chrétien croyant. Il est repasha kuya mukristu wa byakweri. Il se pourrait qu'à partir de ce matin, vous ayez rejeté le message de Dieu ukatale ujumbe ya pour Mungu la dernière fois. Mara yako ya mwisho. Alors, sasa, vous serez aux yeux de Dieu utakuya mbele ya Mungu marqué par l'apostasie. Mwenye kuachiliwa mwenye kuachilia imani. Si l'église a compris cela, kama kanisa inelewa, que toute l'église dise amen. Kanisa yote seme amen. Il y aura deux classes de gens. Utakuya mankunji mbiri ya bantu. Dans les derniers jours. Muma wakati ya mwisho. Toutes les deux. Ile mankunji yote mbiri. Vont porter une marque. Itakuya na chapa. La marque de Dieu. Chapa ya Mungu. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Ni muri ya Mungu. La marque de la bête. Chapa ya nyama. C'est la marque de l'apostasie. Ni chapa ya kuachilia kwa imani. Le rejet du Saint-Esprit. Ukatala Roho Mtakatifu. Vous voyez. Mnaona. Dans ces derniers jours. Mui mashuko ya mwisho. Dans cet état de l'Odyssée. Mui kizazi cha Laodikia. Il n'y a que deux catégories de croyants. Mukutunkunji mbiri ya baminifu. Il y a ceux, après avoir entendu le message du temps de la fin, Kukobale, kisha kushikia ujumbe wakati ya mwisho, il y a ceux Kukobale, qui recevront ce message batapokea hii ujumbe, et recevront ensuite le Saint-Esprit. Kisha banapokea Roho Mtakatifu. Il y en aura d'autres kutakuwa bengine, qui entendront le message, batashikia ujumbe, les rejeteront banaikatale, et seront marqués de l'apostasie. Na bata pikwa na chapa ya kuachilia ya kuachilia imani yenye kwa chapa ya shetani. Maintenant ce matin, sasa hii asubuhi ya leo, we frère, toi frère, na we sœur, et toi sœur, parmi ces deux groupes qui vivent dans cet âge de la Odyssée, tu appartiens à quel groupe? Tu es dans quel il groupe? Il n'y a pas d'intermédiaire. Hakuna semi takwa mukachikachi. Soit tu es dans le groupe de ceux qui ont reçu la marque de Dieu. Ou tu es dans le groupe de ceux qui ont reçu la marque du diable. Vous voyez bien mes frères. Dans la marque de la bête. Mumaubiri chapa ya nyama. Duku Branham yuko nasema hivi. Marque de la bête. Chapa ya nyama mufuate mzuri. Vous lisez au paragraphe 25. Musome paragraphe yake ya 25 mpaka 26. Le sceau est une œuvre finie. Muri ni kazi yenye kumalizika. Dieu a achevé son œuvre avec cette personne. Amen. Mungu anaisha kazi na ule mtu. Amina. Et le sceau du diable est aussi une œuvre finie. Na muri ya shetani na yo ni kazi yenye kumalizika. Amwendelee kulala. Continue à somnoler. Le sceau du diable est aussi ya shetani na yo une œuvre finie. Ni kazi yenye kumalizika. Le diable a pris cet homme sous son contrôle. Diabolo anabeba ule muntu ananza kumutawala. Dieu n'a pas pu rien faire avec cet homme. Mungu arishindwa kya kufanya na ule muntu. Tu as très bien interprété. Dieu Mungu n'a pu rien faire arishindwa kya kufanya avec cet homme. Na ule muntu. Comme Dieu ça, vile Mungu n'a pu rien faire avec cet homme, muntu, Satan le prend Shetana na mubeba, pour son compte anamuweka mungambo ya, na anamupika muhuri yake de la bête, muhuri ya nyama qui est le sceau de l'apostasie, yenye kuya muhuri ya kukatala kwa imani. Dieu a frappé à son cœur. Mungu alikonkola kumoyo wake. Et ce dernier na ule muntu n'a pas voulu écouter. Alikatala kushikia. Il a donc continué à se détourner. C'est vrai. Dieu a longtemps frappé au cœur de ce dernier. Et ce dernier n'a pas voulu écouter. Et il a donc continué à se détourner. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Mungu ashipendake muntu akufwe. Il est impatient. Ye Mungu eko muvumilivu. Dieu a envoyé Mungu arituma un autre prédicateur de l'évangile. Mubiri mwingine wa injili. Qui a opéré des miracles. Arifanya miujiza. Des prodiges. Na maajabu. Et autres. Na bingine. Tu as refusé les prédicateurs. Dieu te conseille par les prédicateurs, tu ne comprends pas. Il a suscité d'autres prédicateurs. Ils sont venus prêcher pour te détourner du chemin de la malédiction, de la mort. Malgré que Dieu a suscité des prédicateurs. Anatuma baubiri. Mais toi tu continues à refuser. Le Saint-Esprit a dit. Rome Takatifu anasema. Tu ferais mieux d'écouter cela. Ulipasha kushikia ile. Le Saint-Esprit dit. Rome Takatifu anasema. Auprès de vous. Tu dois écouter cela. Inakaza inarudiriria hapo unapasha kushikia. Il a détourné sa tête pour la dernière fois. Lakini ule muntu anakatala lwake. Alors son maître bouche son oreille spirituelle. Bibi alikatala ni ya mwisho ule bwana wake anatogola sikio yake. Emporté. Anakuwa sasa wa kubebwa. Et enflé d'orgueil. Na anakuwa wa kiburi. Il a refusé pour la dernière fois. Arikatala njuya mara yake ya mwisho. Et Satan lui perce l'oreille. Na shetani anamtogola sikio. Pour qu'il n'entende plus le son de la trompette de jubilé. Pour qu'il n'ait plus l'occasion de se repentir. Et d'être sauvé. Il devient tout simplement emporté et enflé d'orgueil. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Même lorsque on prêche la parole. Même quand vous dites Amen. Pale unasemaka, amina. Ce qu'on a dit, c'est la vérité. Nasema, ni bia kweri, biba, na ubiri. Et vous savez que c'est la vérité. Na unayua, la kusema, ni bia kweri. Même votre conscience vous dit ata, zamiri, yako, que c'est la vérité. Ya kusema, ni kweli. À moins que vous n'ayez traversé la ligne de démarcation. Japokuwa kama ya tambuka, il itakusaidia seki vatede paka mwile wakati au ya tambuka si kisarile kwa la ligne même na hukumu de démarcation de la grâce du jugement itakusaidia mwile wakati au ya chokesha Mungu ça va t'aider si tu n'as pas encore la Dieu tu n'as pas encore irrité Dieu quand Israël l'a fait wakati Israël est arrivé le ramassis et les incrédules parmi les enfants d'Israël l'ont fait Dieu a dit Mungu arisema, Dieu a juré qu'il n'entrerait plus dans tena, son repos muziko yake. Apana kufikisha Mungu kule. Il ne faut pas pousser Dieu arriver jusqu'à ce comprenez-vous point comprenez-vous cela apana kufikisha Mungu kule. Il ne faut pas pousser Dieu arriver jusqu'à ce point c'est vrai. Frère, neno la Mungu, la parole de Dieu, iko na saidia, aide, paka ule mwanaume na mwanamuke, l'homme et la femme, mustari ya nema, qui n'a pas encore traversé la ligne de démarcation. Si vous traversez la ligne de démarcation, tambuka mustari ya nema, alors vous serez livré pale utatolewa, à la pensée du diable, kumawazo ya shetani, à une illusion, kumabiakuwazia. Pour croire un mensonge et être condamné à cause de cela, tout en pensant que vous avez raison. C'est vrai. Ou tendez à croire. Tu vas continuer à penser. Ya kusema bile we uko na fuanya, c'est ce que tu fais. Uko na sheria. Tu as raison. Mais vile unaisha kukatala. Mais comme tu as déjà refusé nema ya Mungu, la grâce de Dieu, una rejeté ukweli ya neno, tu as rejeté la vérité de la una parole, la libération yako, tu as rejeté ta liberté, tu as refusé de naître de nouveau, tu as refusé de recevoir le Saint-Esprit, tu traverses la ligne de démarcation, même si ta conscience commence à dire, ah, on est en train de dire la vérité, tu ne peux jamais te repentir, ça ne peut plus t'aider. Maintenant Satan va s'incarner dans tes pensées. Vous voyez? Tu vas commencer à penser que tout le monde a tort. C'est toi qui as raison. Même si tu faisais des histoires, tu as toujours raison. Toi, tu n'as jamais eu tort. Oui, il y a au talak et l'oie qu'on a encore ça. Au cage. Au service. Au cité. À la cité. Au canissa. Dans l'église. Au nyumba. À la maison. Qu'on a raison. C'est toi qui as raison. Les autres. Sont dans l'erreur. C'est faux, frère. Il y a Bongo Nduku. Refusez la liberté, kukatala uhuru, c'est ça même recevoir jo inye kupokea, la marque de la bête. Chapa ya nyama. C'est ça recevoir jo inye kupokea, la marque de l'apostasie. Chapa ya kuwatia kwa imani. L'apostasie. Kuacha kwa imani. La marque de l'apostasie. Ile chapa ya kuacha kwa imani. Ne te pousse pas quitter l'église. Yo, aita kusukuma wache kanisa. La marque de l'apostasie. Chapa ya kuacha kwa imani. Satan te laisse toujours dans l'église. Shetani atakuacha paka mkanisa. Mais tu deviens froid. Lakini unakuwa baridi. À la parole de Dieu. Mbele ya neno ya Mungu. Et tu es incapable. Na hauna na uwezo. De vivre la parole de Dieu. Ya kuishi neno ya Mungu. Tu vis faussement. Uku naishi munamna ya mubaya. Voyez. Naona. Tu vis faussement. Uku naishi mubaya. Tu vis dans le péché. Uku naishi munzambi. Mais néanmoins Satan te dit. Lakini shetani yeye nakwambia. Que tu es sauvé. Ateusha ukolewa. Tu seras enlevé. Utanyanyuliwa. Si Satan est gentil avec toi, kama shetani ekwako mwema kwako, il te dit pour te tromper, atakwambia njoo kudanganya, le temps de la délivrance, acha wakati ya ukombozi, ton temps de la délivrance, wakati yako ya ukombozi, n'est pas encore là, haifika, et pourtant tu as déjà dépassé, lesa usha kupitaka, la ligne de démarcation, mustari ile kunatenga neema na hukumu, tu deviens seulement orgueilleux, unakuya tu wa kiburi. Voyez, tu es devenu enflé d'orgueil. Comme l'écriture que nous avons lu ici. Dans 1 Timothée chapitre 4. Relisons encore cette écriture-là. Nous l'avons lu pendant la semaine. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. 1 Timothée chapitre 4. Chapitre 4. Vous voyez. Tu deviens maintenant. Unakuya sasa. Tu tombes dans les esprits de séduction. Unaanguka mu maro ya utongozi. Mais l'esprit dit expressement. Lakini roho kunasema wazi wazi. Que dans les derniers temps. Ya kusema mu wakati ya mwisho. Quelques-uns. Bamoja. Abandonneront la foi. Bataacha imani. Pour s'attacher. Ndio kuambatana. À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez, tu abandonnes la foi, tu t'attaches à des esprits de démons et des doctrines de démons par hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Quand tu tombes dans l'esprit apostat, tu prêteras maintenant oreille. Utaanza sasa kuteka sikio yako. Oh faux prédicateur. Mahubiri ba bongo. Oh faux enseignement. Kumafundisho ya bongo. Le faux docteur. Ba mwalimu ba bongo. Les esprits de séduction. Ndiye kwa na maro ya utongozi. Les esprits démoniaques. Ndiye kwa na mampepo mchafu. Qui parle de manière. Ndiye kuna sema mnamna. Aflate ta conscience. Beko na bembelesha, beko na bembelesha dhamiri yako. Tu les apprécies. Uvu na bafurahikia. Tu te dis toujours chrétien. Unasema huko mkristo. Tu te dis toujours chrétien. Unasema huko mkristo dada. Acha deja tu abandonne. Lakini unaisha kuacha vyote. Dans la marque de la bête. Mahubiri chapa ya nyama. Au paragraphe 17. Mu paragrafe yake ya 17. Foi baname disse. Duku Branham anasema hivi. L'église est avec moi. Et kanisa iko nafasi. Sasa. 12 mars 1955. Ya le 12 mars 1955. Maintenant. Sasa. Si vous rejetez la vérité. Kama unakatala ukweli. Quand elle est présentée, wakati bana kuonesha yo, vous aurez alors les oreilles scellées. Sa, pale, utakuwa na mashikio ya kufungwa. Vous vous éloignerez de Dieu. Utenda mbali na Mungu. Tout en restant religieux. Mwenye kubakia mudini. Maintenant. Sasa. Si vous rejetez la vérité, kama unakatala ukweli, quand elle vous est présentée, wakati banakonesha ayo, vous aurez alors des oreilles scellées. Pale utakuwa na mashikio yenye banaifunga. Vous vous éloignerez de Dieu. Utenda mbali na Mungu. Tout en restant très religieux. Lakini utabakia wa kidini sana. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweri dada. Les écritures disent. Maandiko inasema. Emporté. Benye kubebwa. Enflé d'orgueil. Benye kujana majivuno. aimant les plaisirs plus que Dieu. Benye kupenda anasa kupita Mungu. Des loyaux. Baku kosa kuheshimia sheria. Baku singiziana. Intempérant. Ba makari sana. Ennemi des gens de bien. Bantu ba. Ayant la parole de la piété. Ba dui ya bantu bazuri. Benye kwa na ali ya konekana ya utawa. Ile ali yote ya. Ali yote ya inje. Et très fondamentaliste. Na bantu ba mamisingi misingi sana. Mtu kama anaisha kuacha mambo ya Mungu. Si quelqu'un a déjà abandonné la foi, apenda que ba muita seme ni mupagano. Il ne veut plus être, il veut pas être appelé païen. Ashipotaka mwambia se nono unaisha kuacha mambo ya Mungu. Il ne supporte pas qu'on lui dise qu'il a déjà abandonné la parole de Dieu. Il reste religieux. Anabakia wa kidini. Avec sa Bible. Na Biblia yake. Avec ses cantiques. Na mabitabu yake ya nyimbo. Il peut venir à volonté à l'église. Anaweza kukuya kanisa kama anataka. Il peut fraterniser avec les frères et les sœurs. Anaweza kukuya mushirika na bandiko na badaji. Mais c'est un méchant. Lakini ni mtu mubaya. Un grand orgueilleux. Wa kiburi sana. Jamais devant la parole de Dieu. La véritable humilité. C'est lorsque Dieu dit quelque chose. Wakati Mungu anasema kintu, vous obéissez. Unati, mais quand quelqu'un a déjà dépassé, sasa kama mtu anatambuka, la ligne qui le sépare, entre la grâce et le jugement, yeye, il s'éloigne de Dieu, enda mbari na Mungu, il n'apprécie plus la parole de Dieu, tena neno ya mais Mungu, il reste très religieux. Lakini, anabakia wa kidini sana. Dans son paragraphe 35, paragraphe yake ya 35, il est dit ceci, inasemewa hivi, écoutez, mushikie. Quand un homme rejette la miséricorde, wakati mtu anakatala rehema, il ne reste qu'une seule chose. Unambakiria tu kintu kimoya. Et c'est le jugement. Na ni hukumu. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Son désir est que personne ne périsse. Kutaka kwake ni kusema mtu wote aokolewe. Il arrive que vous périssiez. Kama inafika wewe unapotea, c'est par votre propre faute. Ni kosa yako wewe mwenyewe. Vous l'aurez fait sur base de votre propre libre arbitre. Vous l'aurez fait volontairement. Ce n'est pas le désir de Dieu que vous le fassiez, mais vous le faites quand même. C'est au prix, de force que vous en arrivez là. Unafikia kule. Écoutez. Mushikie. Quand un homme rejette la miséricorde, wakati mtu anakatala rehema, il ne reste qu'une chose. Unambakiria tu kintu kimoya. C'est le jugement. Ni hukumu. Dieu est amour. Mungu, c'est vrai. Ni mapendo ni bya kweli. Son désir. Utaka kwake. Et que personne ne périsse, c'est vrai. Ni mtu ashikufwe ni bya kweli. Mais. Lakini. Et s'il arrive kama inafika, que vous périssiez, wewe unakufa unapotea, c'est par votre propre faute. Ile ni kosa yako wewe mwenyewe. Kama inakufikia mkufwa, il arrive que tu périsses, na mkupotea, et tu te perds, aina kosa ya Mungu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ni kosa yako wewe mwenyewe, frère. C'est ta propre faute. Ni kosa yako wewe mwenyewe, sœur. C'est ta propre faute, mon frère et ma sœur. Dieu Mungu est très patient avec toi. Eko na kufumilia sana. Dieu Mungu est très patient avec moi. Eko na nifumilia sana. Dieu Mungu t'aime. Anakupenda. Dieu Mungu ne veut pas te voir mourir. Ashipende kuona ukufe. Oui, c'est toi seul. Ufuatana kipendaro yako. C'est non ta volonté. Donc, vous venez de casa. Tu t'efforces. Kukatala Mungu. A refusé Dieu. Ufuatana kuforce Mungu. Tu forces. Utoke mukono yake. Tu forces la main de Dieu. Tu veux quitter de la main de Dieu pour te perdre. C'est vrai, frère. Biakweri Nduku. C'est vrai, ma soeur. Biakweri Dada. Vous refusez unakatala volontairement na kipendaro yako. Sur base de votre libre arbitre. Kipendaro yako. Voyez. Naona. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Le salut de Dieu. Wokovu ya Mungu. Et pourtant ce n'est pas le désir de Dieu. Et ça, ina kutaka kwa Mungu. Que vous restez pécheurs. Wewe ubakie mtenda dhambi. Que vous mourez. Ukufwe. Dieu ne veut même pas que tu sois perdu. Mungu ashipende upotee. Dieu ne veut même pas. Mungu ashipende. Si vous ne voulez pas écouter, kama upende ushikia, obéir à Dieu, upende kumutii Mungu, il vous enverra, atakutumia, roho ya upotevu. Oui, bien aimé frère. Vya kweri nduku, qui mourra certainement, utakufwa akika. Oui, bien aimé frère. Vya kweri nduku, ça sera plus la faute de Dieu. Haitakuwa tena nkosa ya Mungu. C'est ta propre faute. Itakuwa ni nkosa yako. L'église est avec moi. Eti kanisa ikunafuata. Toujours dans la brochure. Paka muima ubiri. Marque de la bête. Chapa ya nyama. Paragraphe 12. Nukta yake ya 12. Et 13. Na 13. Nous lisons ceci. Tukuna soma hivi. Quand le diable. Wakati shetani. A finalement persuadé tout le monde. Ana kikishia bantu bote. De ne pas croire l'évangile. Bashamini enjili. Et finalement un jour. Na kisha shiku moya. Après que Dieu lui ait présenté la connaissance de la vérité. Kisha Mungu kumonesha ukweli. Mais que lui, lakini ye, il a tourné le dos pour la dernière fois. Anegeuzia mkongo mara yake ya mwisho mkusema non. Hapana. Je garde la mienne. Mie mina chunga yangu. Vous voyez, unaona? Je garde ma position. Ase mie mina alors, chunga, le diable l'amène à la porte. Sasa shetani ampeleka kumulango. Fait un trou à son oreille. Anamutobola rishikio. Comme on le faisait en type dans l'Ancien Testament. Paka vile baranza kuifanya mupicha mwagano za kale. Il scelle son entendement. Bale anatia kusikia kwake. Pour qu'il ne puisse plus jamais avoir la foi dans l'évangile. Ana ujua ashikue tena na imani muinjili. Il est scellé à l'extérieur. Anatiwa muhuri lwa nje. Na il servira le diable pour toujours. Atamtumikia diabolo bya lote. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Hakuna tena matumaini kwake. Ça n'est fini pour lui. Kwake kuna mwisho. Il est perdu. Anapotea. Sans espoir. Hakuna tena matumaini. Il est sans Dieu. Eko bila Mungu na bila rehema. Ça me fait peur. Inanipa boka hii. C'est vrai. C'est vrai, ma soeur. Le diable. Diabolo. L'amène à la porte. Atampeleka kumulango. Lui fait un trou à son oreille. Anamutobola rishikio. Comme on le faisait en type dans l'Ancien Testament. Paka vile baranza kuifanya mwagano za kale kwa son entendement. Pale anatia muhuri ya kusikia kwake. Pour qu'il ne puisse plus jamais avoir la foi dans l'évangile. Pour njoo ashishikie ashikwe na imani muinjili. C'est ça, il n'aura plus la foi dans l'évangile. Ni kusema ashita minaka tena injili. Vous voyez? Unaona? Il est scellé à l'extérieur. Bana mutia muhuri lwa inje. À l'extérieur du corps de Christ. Inje ya mwili ya Kristo. Vous voyez, mes frères? Unaona ndugu mpendwa? Il servira le diable. Atatumikia shetani. Pour toujours. Bya lote. C'est-à-dire. Nikusema. Jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Mpaka mwisho wa maisha yake hapa dunia. Il n'écoutera plus. Ashitashikiaka tena. Même si la colonne de feu descendait ici. Atanguza ya moto na shuka hapa. Même si Jésus lui-même descendait. Ata Yesu ye mwenyewe na shuka. Il n'écoutera plus. Il n'aura plus la foi dans l'évangile. Il ne trouvera plus de grâce devant Dieu. Il servira Satan. Atatumikia shetani. Jusqu'à la fin de sa mort. Mpaka kufa kwake. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Hakuna tena matumaini kwake. Ça n'est fini pour lui. Kwake kunaisha. Kunamalizika bya lote. Ça n'est fini pour lui. Il est perdu. Anapotea. Sans espoir. Bila matumaini. Il est sans Dieu. Eko bila Mungu. Et sans miséricorde. Na bila rehema. C'est vrai frère. Bya kweri ndupu. c'est que le sceau de l'ennemi. Il est mort à Adui. Est un sceau religieux. Ni mouri ya kidini. C'est vrai. Ni bien quoi. Très religieux. Ya kidini sana. Le sceau de Satan. Mouri ya shetani. Qui était le rejet de l'évangile. Yenye kuya kukatala kwa injili. Le jubilé. Ya yubile. Le jubilé. Yubile. L'évangile. Injili. Et la bonne nouvelle. Na habari njema. Mais quand quelqu'un rejette. Lakini wakati mtu anaikatala. Fini. Unaisha. Vous voyez. Munaona. Maintenant, qu'est-ce? Sasa ni nini? Comment est-il scellé? Anaatiwa muhuri namna gani? Il était scellé à l'oreille. Aranzo mutia muhuri. Pourquoi? Njoo ya nini? Car la foi imani vient de ce qu'on entend. Inatokea muile tu kunashikia. Et ce qu'on entend. Ile tu kunashikia. Vient de la parole de Dieu. Yenye kutokea kuneno ya Mungu. On le scelle à l'oreille. Beko na batia muhuri kwa sikio. Par la foi vient de ce qui? C'est ce qu'on entend. Et si l'oreille est coupée, l'oreille de l'évangile, je ne veux pas dire l'oreille physique. Je parle de l'oreille spirituelle. Vos oreilles spirituelles, pour les bonnes choses de Dieu, ont été marquées. Vous l'avez rejeté pour la dernière fois. Alors vous êtes scellé à l'extérieur, bien que vous soyez peut-être très religieux. Bon, vous dites, est-ce possible qu'une personne puisse donc appartenir à une église, Frère Branham? Bon, Muzuri, vous dites, est-ce possible qu'une personne puisse appartenir à une église? Aller à l'église. Aende être sincère. Na moyo wa haki. Au possible. Muile anawezi kufanya. Être pourtant perdu. Na ata vile akuye mwenye kupotea. Vous écoutez ce que Frère Branham dit? Eti munashikia kile Frère Branham anasema. Munashikia Frère Branham, est-ce possible qu'une personne puisse donc appartenir à une église comme vous l'êtes? Vous comprenez quoi, bien mes frères? Est-ce possible d'appartenir à une église? Frère Branham, allez à l'église! Est-ce sincère ou possible? Et pour être perdu? La réponse, Jibu, absolument, akika, c'est vrai, bien kweri, les gens les plus sincères bantu baro ya haki sana, que j'ai jamais vu, bale ni shia onaka, c'était des païens ni bapagano, et des athées. Na bakukatala Mungu. Ils sont tout aussi sincères, beko na ro ya haki, donnant leurs enfants en sacrifice, beko na tolea batoto yao sa sadaka, des torturants, beko na di, et tout, chanja, beko na jitesa, avec na biote, toute la sincérité, na ile moyo que vous puissiez imaginer, ile munezi kuwazia, la sincérité uya na moyo wa haki, n'est pas la chose. C'est vrai. Les Écritures disent, telle voix paraît droite à un homme, la chose semble être, la chose semble très bonne, mais Dieu a sa voix. Et vous devez venir, non pas selon la voix qui semble droite à tes yeux, mais selon la voix que Dieu dit être droite. Vous voyez? Amen. Amen. Et cette voix-là, c'est la voix de la croix. Vous voyez bien, mes frères? La sincérité, moyo wa waki, dans le faux, bongo, après avoir rejeté kukatala, la liberté, uhuru, l'évangile, enjili, ne vous aidera pas. C'est vrai, frère. Biakweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Biakweri dada. Payez la dîme, kuripa chekumi, les offrandes, sadaka, ne vous aideront pas. C'est vrai, frère. Biakweri nduku. Mais un homme sincère, lakini muntu wa moyo ya haki, est véridique, na wa kweli, abandonnera le péché, ataacha dhambi, dans lequel il vivait, mula ranza kuishi, sans de justification, bila kujesabia haki, bila mahesabu, wakati anashikia neno ya Mungu. Pour prouver qu'un homme est sincère. Dieu a konesha kusema mtu yuko na moyo wa haki. Une femme est sincère. Mwanaume au mwanamke. Et qu'il est véridique. Na ni wa kweli. Quand il entend l'évangile. Wakati anashikia injili. Il entend la vérité de Dieu. Anashikia kweli ya Mungu. Il abandonne automatiquement. Anaacha pale pale. Le péché. Zambi. Il abandonne. Eko naacha. Sa mauvaise conduite. Namna yake ya kujiongoza mbaya. Ashia uzunike. Il abandonne. Eko naacha. Il n'a pas de calcul à faire. Yeye ashina na mahesabu ya kufanya. Et Dieu le sauve. Na Mungu anamokoa. Et Dieu le délivre. Na Mungu anamkomboa. Quand quelqu'un fait des calculs, kama mtu anaanza kufanya mahesabu, anaanza kuwaza, njoo ya kuacha dhambi, il considère, anaanza kuona, les choses du monde, anaanza kulingania vitu vya monde, vya dunia, kafumo yake ya mdunia, il fait des calculs pour abandonner le péché, anaanza kuwaza njoo ya kuacha dhambi, il est faux, il n'est pas sincère, ule ni wabongo ashina wa haki, un homme et une femme sincère, mwanaume mwanamke wa haki, dès que la vérité, wakati anashikia ukweli, il abandonne automatiquement. Eko naacha pale pale nzambi. L'église avec moi. Eti kanisa eko nafuata. Il n'a pas de justification. Ye ashina na bya kujesabia haki. Hapana. Il n'a pas de temps de se justifier. Ashina na wakati ya kwanza kujesabia haki. Il reconnaît ses torts. Ye atatambua makosa yake. Il abandonne. Anaacha. Et il vit droitement. Na anaanza kuishi mnamna ya sala. Dans l'année de jubilé. Mu mwaka ya yubile maubiri. Au paragraphe. Nukta yake. 102, 103. Ya 102 na 103. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Quelqu'un a dit. C'est mon témoin Arsema. Il n'y a pas longtemps, il a dit. A kuyapita mashiku mingi. Mais Frère Branham. Ndugu Branham. Cet homme était vraiment sincère. Ule muntu alikuwa wa moyo wa haki. Même si cette personne vivait dans le péché. Hata kama ule muntu aranza kuishi munzambi. Oh, dit-il. Oh, akasema, niko na moyo wa haki. Je crois au Seigneur Jésus. Mina amini Bwana Yesu Kristo. Je dis. Mina sema. Si vous êtes sincère. Kama uko na moyo wa haki. Alors prouvez. Sasa uoneshe. Sema uko na moyo wa haki. Abandonnez le péché. Acha nzambi. Dans lequel vous vivez. Mule uko naishi. Si vous êtes sincère, kama kuna moyo wako, abandonnez le péché, acha dhambi, dans lequel tu vis maintenant. Mule uko naishi hapa sasa. Affirmez que vous êtes sincère. Kuhakikisha kusema uko wa haki. Mais sans abandonner le péché. Lakini bila kuacha dhambi. Aile ni ya bongo. Et lorsqu'un homme. Na wakati mtu. Ne sait plus abandonner le péché. Anashindwa kuacha dhambi. Il tombe dans la tiédeur. Ananguka kama uvuguvugu. L'une position alimoya, la plus dangereuse des croyants. Ya mubaya sana kwa Mkristo. Kwa mwaminifu. La tiédeur. Uvuguvugu. C'est la position ali, la plus dangereuse. Mubaya sana ya hatari. Qu'un homme peut avoir. Ile mtu anaweza kuyamo. C'est pourquoi dans l'âge de la Odyssée. Je vois maintenant mon quizas qui est la Odyssée. J'ai dit à l'église. Mungu anasema na kanisa. J'avais souhaité. Mindritaka. Mkuye. Soit de froid. Ao baridi. Voyez. Mungu nao. Je vous soit chaud. Mkuye. Ao baridi. Ao moto. Mais vous n'êtes ni froid. Lakini auna. Ni chaud. Ao moto. Ao wa baridi. Je vous gomirai. Mita mitapika. C'est vrai frère. Nibia kweri. C'est vrai ma soeur. Nibia kweri ndugu na dada. La tiédeur dans les choses de Dieu, ya Mungu, dans la foi, muimani, c'est la chose kimoya, la plus dangereuse sana, position, ni, la plus dangereuse atari sana, dans le paragraphe 106, munukta yake ya année du jubilé. Si vous êtes tiède, frère, hivi, kama kuwa uvuguvugu ndugu, c'est la position ni ali, la plus dangereuse atari, que vous puissiez occuper. Ile unezi kuyamo. Celle d'être tiède. Ile akuya wa uvuguvugu. Jésus a dit. Yesu arisema. Soit chaud. Ukuye kwa tawa kivukutu au wabaridi. Soit pour moi. Au njuu yangu. De tout mon cœur. Ya roya, na roya ngu yote. Soit contre moi. Au ushikuye wangu. Si vous menez simplement une vie assez bonne. Kama ukunaishi kotu maisha ya mzuri. Cela ne voudra jamais cela ne voudra jamais rien. Il voudra jamais rien. Il a une quinte, il a une abeille. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Je suis membre de l'église. Oh, mini membre de l'église. Les pasteurs me connaissent. Pasteur et une famille, bien les biotes. Non bien mes frères. Apana nduku mpendwa. La tiédeur. Vugu. C'est la position ni ali moya, la plus mauvaise ya mubaya sana, qu'un homme peut avoir. Il est monté en aise kupatikana. Il est comme un jour, il m'a envoyé à Mungu. Dans les affaires de Dieu, il m'a envoyé à Mungu ya kukuya nguvu. Si les choses de Dieu oui, deviennent difficiles pour toi, abandonne. Un homme sincère, mutu wa haki, si la parole de Dieu devient dure pour lui, il doit abandonner. Dieu va chercher les moyens de t'aider pour te retourner à la foi du coup à moyo wa haki. Lakini ni kuya wa haki, mais dans l'hypocrisie, mu unafiki. Vous fermez vous-même la voie du retour. Oui, mounyewe, on a refungi un jet à kurudiriria Mungu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Bia kweri dada. La tiédeur. Uvugu. C'est la position. Jo ali moya. La plus dangereuse. Ya tari sana. Bien aimés frères et sœurs. Nduku mpendwa na dada mpendwa. Si vous jouez longtemps avec la parole de Dieu. Kama huku unacheza sana na sauti ya Mungu. Wakati mrefu. De votre jubilé. Wakati ya jubilé yako. Vous passera. Itakupita. Et vous serez percé. Na batakutobola rishikiwa kiro. L'église est avec moi. Esi kanisa iku nasikia. Kubakia longtemps mu kanisa. Restez longtemps dans l'église. Na kuendela kushikia neno la Mungu. Et continuez à écouter la vérité de la parole sans la croix, sans être de nouveau, sans vivre une vie sanctifiée, sans le Saint-Esprit. Ma soeur, dada, tu vas rejeter et ton tas de jubilé pour toujours et ça sera fini pour toi. Qui es-tu pour jouer avec Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu pour mépriser Ugunani, kuzarau, le sang de Christ, dame ya Christo, qui l'a versé au bois du il est arimwanga kumusalaba. Qui es-tu Ugunani, pour piétiner ses sangs, tu ya kufinyanga kumikulu pour ile dame. Au pied ses sangs, ufuna finyanga damu kumikulu, qui doit te sanctifier, il est napasho kutakasa. Qui es-tu Ugunani, pour mépriser, tu ya kuzarau, l'esprit de grâce, roya nema, il doit revenir en vous, il est napasho kuya ndani yako, délibéré de tous les mauvais esprits, tu ya kukukomboa toka mapepo mchafu ya ibadilisha nature yako na kufanya weye ukuye mwana na binti wa Mungu. Weye uko nani? Frère. Duk. Vous jouez avec la parole. Unacheza na neno ya Mungu. Vous méprisez la parole. Uko na dharau neno ya Mungu. Unashikia sana muda mrefu injili. Unaikatala. Un jour viendra. Shiku moi itakui. Où tu vas sceller ta destination. Ile weyo tatiaka muuri. Vers ta demeure éternelle. Njoo ya makao yako ya milele. Dio nduku. Oui bien aimé sœur. Dio dada. Vous jeterez. Uta, vous rejeterez. Uta katalaka. C'est fini pour toi. Mara ya mwisho unakuisha. Nibia kweri. C'est vrai ma sœur. Nibia kweri dada. Quand Dieu. Wakati Mungu. Regarde quand Dieu. Mwangari. Le jour du jubilé. Mwangari ye shiku ya jubilé. Même vous êtes qui est de notre rachat. Ata njou ya ukombozi yetu. Mwangari ye njou ya ukombozi yetu. Quand Dieu. Wakati Mungu. Nous pardonne, anatusamea, ou pardonne nos péchés. Awa nasamea manzambi yetu. Dieu, Mungu, nous délivre totalement. Yeko ne tukomboa kabisa kabisa. De ces péchés là. Toke le manzambi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Na Mungu anafanya nini? Il ôte en nous. Yeko naondosha ndani yetu. Le désir et la conscience du péché. Amu na zamiri ya nzambi. Quand Dieu est descendu en Égypte, après qu'Israël soit libéré, les a pas laissés en Égypte. En train de signer, en fraternisant avec les Égyptiens. Non bien aimé sœur. Apana nduku mpendwa. Dieu ne peut pas nous pardonner seulement le péché. Mungu achezi kutusamia tu manzambi. Et nous laisser continuer à vivre dans le péché. Na etwache tuendelee kuishi munzambi. Continuer à être esclave du péché. Tuendelee kuwa batumwa ya nzambi. Non bien aimé sœur. Apana nduku mpendwa. Apana dada mpendwa. Il nous Mungu yeko na tufanya tunakuya uru yeko na tukomboa yeko na tukomboa na tutosha muisi ya zamani na babwana ya zamani anetupeleka muisi ya sasa mwenye mwenye njo bwana ya ile inchi. Vous voyez bien, mes frères. Naona ndiku mpendo. N'est-ce pas Colossiens que Colossiens dit? Shinjoye wa Colossiens nasema. Colossiens chapitre 1. Wa Colossiens sura yake ya kwanza. Dieu ne peut pas vous délivrer. Mungu ashezu kombo. Et vous laisser. Na kukwacha. Entre les mains des anciens. Des anciens maîtres. Mumikono ya bale babwana yako banzamani. Hapana, hapana, hapana. C'est faux, frère. Ni bia bongo nduku. C'est faux, ma sœur. Ni bia bongo dada. C'est lui qui a trouvé grâce. Ule alipata neema. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Dieu le sauve. Mungu eko na mokoa. Il le délivre. Eko na mkomboa. Il ne laisse pas dans le péché. Akita mwacha munzani. Et sous la domination. Na chini ya utawalo. Ya mtu mbaya. Hapana. Il le sauve. Eko na mokoa. Il le délivre. Eko na mtoa. Il le met dans le royaume de Christ. Anamweka mfalme wa Kristo. Le patron. Mule ye mwenye njo bwana. Le maître le Seigneur. Ye njo bwana na mwalimu. Et quand un homme est délivré. Na wakati mtu anakombolewa. Le péché dans lequel il vivait. Dambi mule aranza disparaîtra complètement dans sa vie. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dieu vous délivre. Vous réchissez. Non, tu n'es pas délivré. Tu n'es pas délivré. Tu mens. Quand Dieu délivre. Wakati Mungu anakomboa mtu. Colossiens chapitre 1. Colossiens sura ya kwanza. Dans son verset 12 à 14. Mstari wake wa 12. Rendez grâce au Père. Mupate umshukuru baba. De ce qui nous a rendu capables. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tukuye na sehemu mushirika la batakatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Le secours de Dieu. Msaada wa Mungu. Vous donne la force. Iko na kupatia d'avoir pas ya kuya na ushirika, à l'héritage de ceux dans la lumière. Mushirika ya batakatifu Mungu. Dieu vous fait participer. Mungu anafanya ushiriki. Dieu vous fait participer. Anakufanya unakuwa mushirika. À son héritage. Murithi yake. Vous devenez une partie. Unakuya de l'héritage de saints. Ya. Avec les saints. Murithi pamoja na batakatifu. Il nous a délivré. Alitukomboa. De la puissance des ténèbres. Toka uwezo ya ngiza. Et nous a transporté. Na alituveva. Ana kutosha uku. Il t'a sorti d'ici. Ana kubeba. Il t'a transporté. Il a marché avec toi. Il t'a déposé dans la lumière. Voyez bien mes frères. Munaona ndugu mpendo. Munaona dada mpendo. Il nous a délivré. Ametukomboa. De la puissance de cette ténèbres. Toka uwezo ya mangiza. Et nous a transporté. Na anatuchukua. Dans le royaume de son fils bien-aimé. Anetupeleka mufalme wa mwana wake mpendwa. En qui nous avons la rédemption. Dani, et le pardon de péché. Dani yake tukuna ukombozi na usamaha wa madhambi. Wakati Mungu anakuokoa. Vous prend. Atakubeba. Il vous sort. Anakutosha mumangiza. Il marche avec toi. Atatembea na wewe. Il vous met en Christ. Anakuweka ndani ya Kristo. Ni ndani ya Kristo. Vous expérimentez. Ndio utaonja. Le pardon de vos péchés. Msamaha wa madhambi yako. Cela signifie. Ni kusema. Que la condamnation. Hukumu. Et cette vie du péché. Na ile maisha ya dhambi na maisha ya dhambi. Aneiondosha kabisa kabisa ndani yako. C'est vrai. Ibya kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Ibya kweri dada. Dans l'année du jubilé. Mumaubiri mwaka ya jubilé. Au paragraphe 172. Nukta yake ya 172. Écoutez ce que faut wana mshiki. Kie kile nduku Branham anasema. Une fois. Par un seul sacrifice. Siku moya na kupitia sadaka moya. Une fois. Mara moja kupitia sadaka. Par un seul sacrifice. Kupitia sadaka moya. Il a rendu parfait Ari Kamilisha pour toujours walote, ceux qui sont sanctifiés bale benye mtakaswa, Christ Jésus. Dani ya Kristo Yesu. Une fois pour toutes. Mara moja kwa lote. Amen. Amina. Vous voyez. Munaona. Plus. Hakuna. De demi-tour. Hakuna tena kurudiriria amu. Plus de questions. Hakuna tena ma. D'aller comme ceci. Mambo ya kwenda hivi. Plus de questions. Hakuna tena. De faire cela. Kufanya vile. Est-ce que l'église est avec moi? Eti mnaelewa kanisa. une fois, mara moja, par un seul sacrifice, sadaka moja, Dieu nous a rendu parfaits, Mungu alitukamilisha, pour toujours, kwa lote, ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, une fois pour toutes, mara moja, kwa lote, plus de demi-tour. Hakuna tena kurudia. Plus de questions d'aller comme ceci. Plus de questions de faire cela. Si vous rétrogradez et vous faites des choses qui ne sont pas correctes, répandez-vous et revenez. Vous voyez. Mais une fois que Christ sanctifie l'âme humaine, kama tu Christ anatakasa nafsi ya mtu, à la remplissant du Saint-Esprit, mkujaza na Roho Mtakatifu, l'âme est protégée, nafsi na kingwa, pour toujours, milele. C'est vrai, bien kweli, vous y êtes, muko mpale. Plus de désir de faire le péché. Hakuna amu ya kutenda nzambi tena. Amen. Amina. Car Hébreux 10, dans la Bible, Hébreux 10, car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience, oublie-t-on les désirs du péché. Vous voyez, l'adorateur, une fois purifié, je souhaite pouvoir simplement faire pénétrer cela profondément. C'est vrai, l'adorateur, les croyants, une fois purifié, n'a plus les désirs du péché. Jamais. C'est réglé pour toujours. C'est vrai. Car il a rendu parfait. Toujours parfait. Par un seul sacrifice. C'est toujours. Ceux qui sont en Christ Jésus. Ils iront maintenant de perfection en perfection. Le monde est mort. Vous ne vous en souciez plus. Vos affections mapendo yako sont tournées vers les choses d'en haut. Inakuwa sasa njuu ya bintu ya juu. Comprenez-vous cela? Eti munaelewa ile. Voilà les gens qui expérimentent. Njo bantu wale beko na onza. La délivrance. Ukombozi. C'est vrai frère. Bya kweri nduku. C'est vrai ma sœur. Bya kweri dada. Pas quelqu'un. Hapana muntu. Je suis sauvé. Mina okolewa. Il devient choriste. Anakuwa muimbaji. Il devient diacre. Anakuwa shemaji. Il tombe dans le péché. Ananguka munzambi. Il rentre. Anarudia. Il va chercher le devin. Anaenda kuba mifumu. Quelle bêtise ça. Aile shini bintu bya ovyo. Non bien aimé frère. Hapana nduku mpendwa. La Bible. Biblia. Dans Hébreux 10. Moi, Hébrania, dans son verset 2. C'est le critique que Paul en train d'interpréter. Quand si quelqu'un a la chiquille à trompette et à liberté. Entend la trompette de liberté. En Aïtika, il a reconnaître les trompettes. Il reconnaît, cette trompette. Il accepte. En Aïtika, Ouruyake. Et il accepte sa liberté. Il n'y a plus moyen que cet homme retourne dans l'esclavage. Mita Miouliza. Depuis qu'Israël. Tandia Israël. Il y a presque 4000 ans. 4000 ans. A été délivré des mains des Égyptiens. Qui connaît quand est-ce qu'Israël est rentré encore en esclavage? Nani anayua ko siku tena ile Israël arirudia mubutumwa mu Misri. Depuis tangia le temps de Moïse. Wakati ya Musa. Jusqu'à ce matin. Mpaka hii asubuhi. Qui connaît à quelle période? Nani anajua kwa wakati? Tous les enfants d'Israël. Bato, ile batoto bote ya Israeli. Les enfants d'Abraham. Batoto ya Ibrahimu. Sont encore retournés. Barirudia tena. En Égypte. Mumistri. Pour être esclaves de Pharaon. Njuba kuye batumwa ya Pharaon. Dans les promesses qui touchent Israël, Dieu n'a jamais vu Israël aller en Égypte deux fois. Israël kwenda Misri mara mbili. Depuis Abraham. Tangia Ibrahim. Il a promis qu'ils seront en Égypte. Une seule fois, ils seront opprimés. Et après la délivrance, ils me serviront. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Que quand Christ délivre quelqu'un de son péché, ce dernier doit y retourner encore. Ceux qui retournent Christ, Ceux qui retournent Christ à la croix, pour la seconde fois, mara ya pili, ils commettent un péché impardonnable. Beko na tenda nzambi ashipe kusamewa. Il n'y a pas de type. Akuna mufano. Pas bien mes frères. Naona nduku mpendwa. Pas bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Moi j'ai cru. Mie mina amini. Depuis mini ya miniaka. Depuis que moi j'ai cru. Mishiarudiaka mudunia. Je n'ai jamais retourné dans le monde. Depuis que moi je suis sauvé, Tanya Misha Okolewa, si y a du waka mwanaume, mwanamuke mwingine, je n'ai jamais connu une autre femme en dehors de ma femme. Depuis que je suis sauvé, Tanya Misha Okolewa, yangu, dans ma bouche, akuya pitaka, vers Yalutuku, je n'ai jamais passé un verre de d'alcool, vers bière. Je n'ai jamais pris de la bière. C'est-à-dire que moi je manque d'argent pour courtiser les prostituées. J'ai l'argent. Mais la force d'aller courtiser les prostituées, pourquoi? Je n'en ai pas. Dieu a nini. Il n'y a pas en moi Daniangu, les désirs du péché. Amuna tamaya nzambi. Les femmes. Banamuke. Ne plus ma préoccupation. Aina mambo yangu. La boisson. Kunwa ne plus mponde. Ma préoccupation. Aina mambo yangu. Dieu m'en a délivré. Mungu anaisha unikomboa pour toutes. Mara moja kwa lote. À la fin de ma mort. Na mpaka kufa kwangu. Je ne connaîtrai pas une autre femme. Mishi tatuaka. Bibi mwingine kama inje ya bibi yangu. Est-ce que nous sommes dans des corps de plastique? Et tu trouves ma mille à ma plastique. Dieu a délivré Mungu Paul. A ricomboa Paul était célibataire. Paul a recouillé célibataire. Bila mouke. Ce n'est pas que Paul était un impuissant. Achukuye na nguvu ya bwanaume hapana. N'avons-nous pas le droit? Anasema eti hatuna kuna ruhusa na shie. Une sœur comme le frère Kefas. Ya kuya kuna mke sandu Kefas. Alikuwa na ile uwezo. La connaissance de Christ. Lakini njia ufahamu ya Kristo. La révélation qu'il avait reçu de Christ. Ya ufunuo alipokeato na Kristo. La délivrance que Christ avait opéré en lui. Ya ile ukombozi Kristo alitimiza maisha yake, alibakia. Vous n'avez jamais lu et que Paul a fait des yeux doux vers une prostituée. Il a fait des yeux doux. Vous n'avez jamais vu. Et vous n'avez jamais vu que Paul a pris les armes pour aller combattre les chrétiens. Arriveva masilanjo kwenda kombanisha bakristo ashiku kombanisha tena au contraire bakristo identifié lakini à tous les chrétiens aridinganisha ku bakristo vote kala trompette de jubilé wakati parapanda ya jubilé kwanza ulia via mteule le péché dandi est fini pour lui inamalizika kwake le monde dunia pour lui inakufa kwake c'est vrai frère. Bia kweli nduku. Bia kweli dada. Pas les femmes que nous voyons aujourd'hui. Hapana banamuke ba tunaona leo, banome tunaona leo. Hapana nduku mpendwa. Hapana dada mpendwa. Les faux croyants que nous avons aujourd'hui. Ba Kristo ba bongo tunabo leo. Qui ont toujours les yeux dans le monde. Benye kwa dans le péché. Mecho mudunia mzambi. Quand Dieu sauve quelqu'un. Wakati Mungu anokoa mtu. Vous êtes libéré. Unakombolewa. C'est pour toujours. Kwa lote. Unaona ndugu mpendwa. Si Dieu te libère du mensonge. Kama Mungu anakomboa toka bongo. Bongo haita kuyaka maisha yako. Le mensonge ne sera plus jamais ta vie. Unaona ndugu mpendwa. Kama Mungu anakomboa kwa kukiburi. Si Dieu te délivre de l'orgueil. L'orgueil meurt. Vous êtes libéré de ce démon. Unakomboa toka ule demona. Tu n'es plus esclave ya kiburi. Hauna tena mtumwa ya kiburi. Ya kasirani. Tu ne seras plus l'esclave de la colère. Ya chuki. De la haine. Non. Hapana ndugu mpendo anakukomboa. C'est vrai frère. Vya kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Vya kweli dada. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Il faut aimer. Inapasha kupenda. Et vouloir. Na kutaka. Ah la libération. Kukombolewa. Sinon vous allez rester. Kama hapana utabakia. Mutumwa. Esclave du diable. Bia lote wa shetani. L'église est avec moi. Yeti kanisa yangu nafuata. Wakati mtu Mungu anakomboa mtu. Kai la ntala la trompe de la liberté. Wakati mtu anashikia parapanda. Acha mudunia. Dieu ne peut pas le laisser dans le monde, dans les péchés, avec le désir du péché, non. Mungu anamkomboa, il sort de cet endroit-là, il ancre, il le plante en Christ. Dans la Christ, Mungu paka ukamilifu, ta vie va grandir en bien, tu changeras. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Hapana huko nenda wewe kualadika. Non, pas toi tu y es en train de te dégrader, tu pourris. Ule konenda kuoza na pas de vie. C'est lui qui est en train de pourrir asina na bujima. La perfection. Bujima bunendaka bunaendelea kumbele. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien mes sœurs. Ndio dada mpendwa. C'est pourquoi faites attention. Je crois mana msopoke. Avec les trompes de jubilé. Sopoke kuparapanda ya yubile. Faites attention. Avec la parole que vous écoutez. Uneno ile mnasikiliza siku yote. Avec les avertissements que vous recevez. Maukalamusho ile mungu napokea siku yote. Vous rejeterez pour la dernière fois. Utakatalaka mara ya mwisho. Ça sera fini pour toi. Itakuishaka kwako. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu emibariki njoo asubuhi ya leo. Levons-nous pour la prière. Tusimame njoo ya maombi. Oui bien-aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Kama muntu. Si quelqu'un. Ana tambuka mustari ya neema. Traverse la ligne de démarcation. Il ne comprend plus jamais. Dans sa vie, maisha yake, il est prédominé bana, anatawaliwa par la présence des démons. Na mademona. Le mal le prédomine. Mbubaya bunamutawala. La méchanceté le prédomine. Ukaidi namutawala. Je vous conseille. Minami shauria. Avec toute affection. Na mapendo yote. Comme berger. Sawa mchungaji. Mushifikie kuile fashi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Aina mapenzi ya Mungu. La patience de Dieu. Uvumilivu wa Mungu. Ne veut pas que tu meurs dans le péché. Aipende kufe munzambi. Le temps de se repentir c'est maintenant. Wakati ya kutubu ni hii. Le temps d'arranger la vie c'est maintenant. Le sang de Christ est encore là. Damu ya Christ iko wako. N'attendez pas le jour de ta mort. Siku ya kufa kwako. Quand tu seras malade, tu es mis de malade. Utakuwa mgonjwa pa kitanda magonjwa. Satan est très rusé. Shetani ni mujanja. Utafanaka crise. Tu vas piquer une crise. Pengine attention. Peut-être de la de la tension une crise cardiaque. Si tu as kwanza au moins accident. Ou bien dans un accident, la première des choses que Satan va bloquer. Que c'est ta langue. Pendant que tu es fort. Il est ça qui rien. Pendant que tu peux parler. Il est ça où on a sema. Pendant que tu peux agir. Il est ça où on est tu es en bonne santé. Ugu mwafia njema. Mettez ta vie en ordre. Tengeneza maisha yako. Obéissez. Uti. À la voix de Dieu. Ku sauti ya Mungu. Et le Seigneur. Na Bwana. Vous sera favorable. Ata kukubali. La trompette. Wimbe la trompette. À l'appel de Dieu. la grâce de Dieu qu'il nous assiste pour que nous ne puissions pas dépasser cette ligne qui sépare la grâce au jugement. Que Dieu nous fasse grâce d'entendre sa voix, de recevoir sa voix, d'entendre le son de la trompette et d'être libéré. Prions-nous tous ensemble. Père éternel, toi le Dieu de tous les esprits, toi qui nous as aimés le premier, et toi qui es venu nous chercher, parce que tu avais un projet avec nous, tu voulais faire de nous les enfants de ton royaume. Mais Satan, ton ennemi, est venu, Seigneur, et veut nous retenir dans l'esclavage.